je suis arrivé sur terre, à poil j'ai grandi trop vite, ma débrouille m'habite, dévoile ma vie, j'en profite. Aucune histoire, des jugements sans conséquences. Mais tard de soir, dans la journée qu'on se dépense, on joue au foot, l'époque qui me reste la plus belle. Y'avait pas de hanout, j'ai dû boire l'eau des poubelles. Chez mes incous j'allais, je passais mes vacances d'hiver. Le changement de climat, la Seine, j'ai vu la rivière. Ça me faisait tout drôle, prendre le train, barré d'ici. Fini Paris, les soucis de mon déficit m'ont pris au piège, le charbon puis la galère. La misère qu'on vit, même si cela n'en a pas l'air. Je rappais déjà à l'époque des GN, je m'en foutais tout ça. Les coqs étaient les sirènes, elle est pas belle ma vie. Ça je l'ai pas vu sur France 3, tout ce que je dis je le vis. Je fais toujours preuve de sang-froid. Le dépôt m'a vu, les tours, les plans, mes cartels, mes soirées hôtels, les putains glands qui m'harcèlent. Je n'ai pas lâché, les prises de risque j'en ai pris. Le gravier m'a fait, mes plus belles pages j'en écris. Mes galères, mes joies, les bons moments les plus nuls. J'ai fait mes choix, les bons morceaux s'accumulent. Je reprends mon rythme, les battements de cœur s'accélèrent. 10 ans après, tu t'es demandé de quoi j'ai l'air. Un petit jeune tout simple, les valeurs sont restées les mêmes. Trop fier et même, au-dessus du rap je me démène. Des mauvaises notes j'avais, je pensais fumer à temps plein. Tout seul j'allais mettre des culbutes au Franklin. Architecte pas moi, je voulais brasser en dehors. C'est connu dès lors, voir ce que c'était que de l'or. Le flow je l'ai, moi je n'ai un des patents. Ça rap seulement, je le fais à temps pour battant. J'ai bossé, le niveau j'ai dû hausser. J'ai foncé, j'ai su creuser mon fossé. Pas année de peau, roubeux de couleur foncée. J'oublie pas le dépôt, mais la sèche j'ai dû pioncer. Je détaille ma vie, mon petit corps fait pas de surplace. J'avance parmi la métaphore, je la surclasse. On la surclasse, demande aux gens qui nous voient. Alex, son pote Fab. Ok, gros, c'est pas pour les lopettes. Psynet, 2007, 2008, 2009, 2010, on continuera mon pote. Psynet sur toutes les pistes.